On s'embrasse, moi, avec la langue. On s'embrasse, moi,

excité, je suis excité, putain ce soir je suis excité, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que je suis excité, je suis excité, putain ce soir je sais pas ce que je suis excité. Dis-moi bien. Vaseline. préserve. Préservatif. T'aurais pas un préservatif? Préservatif. T'aurais pas un préservatif? Préservatif. T'aurais pas un préservatif? Préservatif. J'ai ma capote qui remonte de mes poches. J'ai ma capote qui remonte de mes poches. Lèche-moi les seins. Lèche-moi les seins. Lèche-moi les seins. Lèche-moi les seins. Cochonne.